bien mangé, me suis lavé les mains, les dents. J'ai tout bien mangé, me suis lavé les mains, les dents. Couché mon vélo, je lis à côté du lit. Couché mon vélo, je lis à côté du lit. J'ai tout bien rangé, les petits jouets dans le tiroir. J'ai tout bien rangé, les petits jouets dans le tiroir. Posé mes crayons au fond de la boîte à bonbons. Posé mes crayons au fond de la boîte à bonbons. J'attends mes bisous cachés dessous le gros duvet. J'attends mes bisous cachés dessous le gros duvet. Qui sait qui viendra, maman ou papa? Qui sait qui viendra, maman ou papa? Le petit dessin sous mon coussin, c'est pour maman. Le petit dessin sous mon coussin, c'est pour maman. Je le donnerai à papa si maman vient pas. Je le donnerai à papa si maman vient pas. J'ai fait une maison sur le balcon, j'ai mis des fleurs. J'ai fait une maison sur le balcon, j'ai mis des fleurs. J'ai même dessiné le chat assis sur le toit. J'ai même dessiné le chat assis sur le toit. J'attends mes bisous cachés dessous le gros duvet. J'attends mes bisous cachés dessous le gros duvet. Qui sait qui viendra, maman ou papa? Qui sait qui viendra, maman ou papa? Même qu'aujourd'hui c'est moi qui ai mis mon pyjama. Même qu'aujourd'hui c'est moi qui ai mis mon pyjama. J'y arrive depuis hier sans le mettre à l'envers. J'y arrive depuis hier sans le mettre à l'envers. C'est l'heure du dodo, mes yeux bientôt vont se fermer. C'est l'heure du dodo, mes yeux bientôt vont se fermer. Le marchand de sable est là qui passe déjà. Le marchand de sable est là qui passe déjà. J'attends mes bisous cachés dessous le cou.